Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part l'émission du rock progressif. On démarre tout de suite avec un petit hommage, notre petit hommage aux victimes du Bataclan. Genesis, époque Peter Gabriel, a joué au Bataclan en 73. Je vous propose un extrait de Foxtrot. Thank you. your fate alone, this fate is your own. Royal Brighton nous a quittés. Les spécialistes du prog ont reconnu le guitariste de Nectar, groupe britannique et non pas allemand comme beaucoup de personnes l'ont cru à l'époque. Ils avaient signé effectivement sur un label allemand. Un petit coup de chapeau à ce grand monsieur, un grand coup de chapeau à ce monsieur, avec un extrait de A Tab in the Ocean de Nectar, un de leurs meilleurs albums, réédité superbement par Esoteric. Ça date de 72. Tout de suite, A Tab in the Ocean, Nectar. Thank you. Thank you. Curieusement, les nouveautés nous viennent d'outre-Atlantique et pas d'outre-Manche. Je ne parle pas de Donald ni de Supertramp, non, mais de deux groupes qui sont sur le retour, avec notamment Caro qui nous revient avec un album un peu prémonitoire puisque il s'intitule Say, et la couverture, on voit un jeune homme avec deux morceaux de sparadrap sur la bouche. Donc, je vous propose un large extrait de ce Caro tout de suite sur 100.7 et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Trip, trip away, water on the stone, stone, stone, cutting through flesh, down to the skin, delicious growth. nothing to prove. Kero, nouvel album, nouvel opus intitulé sobrement, mais plein de signification, Say. On continue notre voyage outre-Atlantique avec Coucou les Revoilous, Glasshammer. Glasshammer avec un nouvel opus intitulé Valkyrie. Tout de suite, un large extrait sur Prog à part, bien sûr. Glasshammer, nouvel album. Et mon coup de cœur du mois, c'est un groupe américain, un premier album d'un groupe forte influence de Yes et de Queen. Ça démarre très bien avec une pochette un petit peu à la Roger Dean. Ce groupe s'intitule Evership. Et vous allez voir, c'est de très haute facture. Tout de suite, en exclu sur Prog à part et Sol FM, Evership. Sounds small, but I truly think it might work. Heavier than air flying machines are impossible. Leonardo thought it possible, why not? For a second, you want to kill yourself, man. No possible combination of known substances, known forms of machinery, and known forms of force can be united by which man shall fly long distances through the air. We'll be right back. Alors, c'est pas superbe ça. Moi, je trouve ça absolument génial. Et tout le reste de l'album et de ce tonneau de cet acabit Eva Shape, cet américain. Et ça vient de sortir. On va quand même aller chez nos amis Grands Bretons pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et notamment écouter le nouvel album de Juan Stolt et John Anderson. Ils sont mis ensemble pour faire un petit opus bien sympathique. Invention of Knowledge. Invention of Knowledge. John Anderson de Yes. Juan Stolt de Kaipa, entre autres, et des Flower Kings viennent de nous sortir donc ce petit bijou. Et je vous propose un large extrait, le numéro 9, tout de suite sur Progapar. Whichever way the time it comes to take away your sorrow, you dance the very dream you feel inside of you is there in all its glory. As the spirit comes to you, remember that you are the one, you are the love, you are immeasurable. Together through the doorway and see that it's true. You're the only one that hears what you hear and sees what you see. For what it is, you are eternal and forever. You chase the better dream, you move whichever way. The sun will always shine on your tomorrows. Always know that you're within the space, forgiving love, forgiven heart, within the soul forever and ever. Were said so many times, Just know they will always discover you. No matter what happens over this, remember that you'll always rediscover. It's calling the love that shines through you, re-releasing this power of giving to live this life of realization. Shores, then grab it. Healing stars will set them covered. Fall in the Yes, he loved me, sing me, get it. Snowy crystal shores, then grab it. Heal stars will set them covered. All in the trance of the Tremolong days. Je trouve qu'il faut être gonflé pour appeler un projet musical No Sound. C'est pourtant ce que fait ce Britannique depuis un certain nombre d'années. Avec beaucoup de bonheur, il nous propose pour une cuvée 2016 un album intitulé Scintilla, Scintilla, scintillement, avec une jeune fille en train de jouer avec des bulles de savon. Scintilla, tout de suite, en exclu, comme d'habitude, sur Progapart. Vous voulez des nouveautés? En voilà, comme quoi le progressif, c'est pas une affaire rétrograde ni nostalgique. Chose promise, chose due, la dernière émission, je vous avais promis d'évoquer, de passer quelques morceaux du festival quadriphonique, eh bien, ça va être chose faite. C'est un festival dédié au rock progressif français, et la présente édition 2016 de septembre fut en tout point superbe, avec JPL, Jean-Pierre Louveton, en très grande forme, avec Motis exceptionnel, notamment l'intervention, j'ai retenu l'intervention d'André Balzer, le chanteur d'Atoll, sur un morceau de Motis. Moi qui n'ai jamais vu Atoll en concert, je peux vous dire que ça a été un très très grand moment. Donc voilà pour les pics, les meilleurs moments de ce festival. J'oubliais, et c'est volontaire, Jean de la Lune, qui était vraiment fabuleux. Ils nous ont proposé quelques extraits de leur double, je dis bien double opus qui vient de sortir, qui s'intitule Epitaph, Epitaph avec un E, donc il n'y a pas de clin d'œil à King Crimson. Et je vous propose, chose promise, chose due, disais-je, un extrait, un large extrait, 8 minutes 14, de ce double opus de Jean de la Lune. J'arrive. un cœur en débandade comme colocataire. De ses coulants sinon me presse à la vie. Les entrailles atrophiées comme des statues à terre me poussent à mûrir en pleine catalepsie. J'étouffe. Le pourpre placenta inonde mon univers et l'abysse où je nage en toute obscurité me confine aux cordons me liant à la chair, nourrissant déjà mes premières pensées. J'explore. On me dit une douce maîtresse à l'oreille me dit qu'il est temps de quitter le gamète femelle. Le portique s'entrouvrit, lumine en la nuit, le clair obscur pénètre divinement rebelle. Je crie, je pleure, je vis, je vis. L'amour secret de ta chambre sonore. Quand, simple, tu vaquais aux soins de ton ménage, sous les yeux attendris des choses concertées, en un colloque obscur de louanges captées par la fine et diverse attention de mon âge. Je sais encore l'horloge et sa cadence, le bruit dans l'escalier des enfants qui s'élancent, tout ce que la maison contient de vie ancienne, et cet enfant aimé dans l'amour de Jésus, qui demeure en son cœur comme resta ténu. L'oblique rayon d'or filtré des persiennes. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol, 100.7. Et comme on dit dans les magazines de bande dessinée, à suivre, puisque Épitaphe du groupe Jean de la Lune est un opéra rock double CD. La rédaction d'Acide Dragon et Prog à part, a fortiori, n'ont pas reçu le nouvel album de Marillion. Mais on fera mieux la prochaine fois, du moins je l'espère. Néanmoins, comme dirait Cyrano, j'ai une petite rareté à vous proposer, une réédition de nos amis d'Ésotérique, un des premiers groupes de l'ami Steve Hogarth. Je veux parler de How We Live. How We Live, souvenez-vous, c'est sorti en 87 et ça avait eu un petit succès quand même, succès d'estime. Depuis, Steve Hogarth a rejoint Marillion et j'en connais plus d'un qui courait derrière cet album. Ne courait plus, il est réédité par nos amis, donc je disais d'Ésotérique. Et je vous propose une petite curiosité, un morceau qui s'intitule Dry Land, qui a donné le titre à l'album et qui figure également dans Holidays in Eden. Voilà donc tout de suite une petite curiosité plus que sympathique. Time of knowing, Imaginez, vous vous appelez Charles. Votre papa s'appelle Jacques. Imaginez, ce papa a joué dans un grand groupe de rock progressif lyonnais. Et vous décidez, comme ça, de prendre un petit peu la suite. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la musique progressive. Vous faites de la musique progressive, même symphonique, et vous faites quelque chose de superbe. Je veux parler de Charles Roman, fils de Jacques Roman, qui officiait dans Pulsar, les Lyonnais ont deviné. Je remercie au passage, petite parenthèse, les deux collègues bien sympathiques de la bibliothèque municipale de La Part-Dieu de m'avoir permis d'organiser cette petite conférence sur le rock progressif lyonnais. J'ai été très très très heureux de parler devant plus de 130 personnes, comme quoi le progressif intéresse encore beaucoup de monde, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Il y avait vraiment de tout et ça a été un vrai bonheur avec un feedback fabuleux. Merci à eux et merci à vous d'être venus. Justement, Charles Roman était là avec son album, son deuxième opus sorti chez La Moussea en 2012. Son projet musical s'intitule Cosmos Dream et son album s'intitule How to Reach Infinity. C'est un double opus et comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver avec énormément de bonheur des influences de Pulsar. I wanna remind me like it used to be. I didn't think I'll be afraid. I just wanna think there was another way. I didn't think I'll be afraid. To be wanted, somewhere to be dreamed. Homeless now and I'm far away. Somewhere to be young and somewhere to be old. Why did you left love away? Thank you. besides the low one lie your face. I know the word, but I don't know the way out. I fell, but I did walk and crawling. It ain't working, the bottom way is still the place. But lies to work like a fucking gaze. I fall asleep and I don't know I'm dreaming. I'm fine, no, I am lost in white dust. Nothing changed. Cosmos Dream, How to Reach Infinity. Voilà, merci au passage à l'ami Jean-François de Dijon qui m'a fait découvrir ce superbe projet. C'est pas Louis Denis qui dira le contraire. Chaque fois que je vais en Italie, je me régale. L'autre pays du progressif continue à semer ses petites graines merveilleuses. Là, j'ai rapporté deux petites pépites, mais on écoutera ça tout à l'heure. Juste un petit aparté sur Prog. J'ai découvert, non pas les Nords, mais j'ai découvert que Prog, le magazine british, eh bien, maintenant est traduit dans la célèbre botte. On trouve effectivement en Italie la version italienne de Prog. Le dernier numéro, eh bien, je l'ai sous les yeux, je l'ai acheté, j'étais comme un fou, comme un dingue, avec une couverture superbe puisque c'est le premier King Crimson qui est en couverture et un dossier à l'intérieur, je traduis 1969-2015, le tremblement de terre King Crimson. Également au sommaire de Prog, la première revue au monde du rock progressif, je traduis aussi, eh bien, un article sur Magma. Ça fait énormément plaisir que notre groupe fétiche avec Ange de Prog soit reconnu à l'étranger, peut-être plus que sur les terres françaises, mais nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu. Donc un article, je disais, sur Magma. Interview, article sur Locanda delle Fate, que j'ai eu plaisir de voir au Prog Sud. Un dossier sur le Prog de Canterbury. Vous devinez tout de suite Caravan, Soft Machine, Camel, Hatfield and the North, et j'en passe. Un dossier, un article sur Gazpacho, sur les deux labels Vertigo et Deram. Également le 30e anniversaire de The Wake de IQ avec des photos qui décapent. Un dossier sur Anthony Phillips. Également Giancarlo Golzi de Museo Rosenbach. Et j'en passe tout ça pour 10€. C'est un pur régal Prog et ça se trouve de l'autre côté des Alpes. Également dans la revue de presse à Seigneur tout honneur. Acid Dragon avec un numéro 68, on n'est pas encore en 69 et là je pourrais vous chanter une chanson, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant c'est 68, alors qu'est-ce qu'il y a de beau pour 3,50€ et quand on est abonné, il y a même un CD gratuit avec un sampler, comme on dit, avec la crème de la crème en matière de prog. Je disais, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce numéro 68? Eh bien, interview de Osana, le groupe italien. Tiens donc, un dossier sur Gracious, un dossier sur ça m'échappe. Il y a également un article et dossier sur TenCC. Voilà, ça me revient. Également interview de Peter Hamill par l'ami Phil Jackson. Voilà, et j'en passe et des meilleurs. 60 pages, 3,50€, plus des chroniques, des comptes rendus de concerts. Voilà, de quoi s'en mettre plein les mirettes et les oreilles. Et en plus, on peut parfaire son anglais, puisque c'est écrit en anglais, mais un anglais facile. Donc, c'est une façon agréable, en mon sens, de réviser ou de conforter la langue de Shakespeare. On termine avec la lente de Dante, puisque je vous disais que j'avais rapporté des petites pépites donc de Turin, puisque c'est à Turin que j'ai traîné mes baskets. Je vais vous faire une proposer également une petite étude comparative. C'est-à-dire qu'on va écouter le même morceau d'un même groupe avec donc un certain nombre d'années entre. Alors le groupe, c'est un des groupes phares du prog italien, c'est les New Trolls. Un de leurs albums phares également, ça fait beaucoup de phares, Concerto Grosso. Le Concerto Grosso, et je vais vous proposer donc l'Adagio. On va l'écouter en version de 71 et une version reprise en 2013. Voilà pour le lyrisme de ce rock progressif baroque italien. be to dream. To Et voici maintenant les New Trolls version 2013 de ce concerto grosso numéro 1. Stay. Ainsi s'achève l'édition de novembre de Prog à part. Moi, je vous donne rendez-vous le 5 décembre, ça sera un lundi, de 20h30 à 22h30. Entre-temps, vous aurez le plaisir, l'honneur et l'avantage de réécouter en podcast cette émission en haute qualité puisqu'elle est enregistrée en direct dans le studio. Voilà, et n'hésitez pas à soutenir les différents partenaires presse qui nous aident, qui nous portent. Je pense notamment à Coin de Neuf, je pense notamment à Progressiste, et puis bien sûr à mon petit bébé Acide Dragon. Sans oublier Plouc Magazine, le fanzine de la famille Ange. Voilà, et bien c'est tout pour ce mois-ci, et tenez tati, à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission présentée, proposée par Thierry Sportouche, avec le soutien de Roland Rock et de l'ami Michel qui est au bout du fil. Yes, sir. neck and slow it down. Oh.